Pour la reine, vers la calanque. La zinzinière. Les moustiques, s'écria Féréole. Mais ça me connaît, les moustiques. Je leur dois, en même temps que ma première aventure d'amour, le bonheur rare d'avoir, presque enfant, pénétré le mystère effrayant et doux des secrètes beautés féminines. C'est pour cela qu'il ne m'arriva jamais de mal parler d'eux, même lorsque, chassant le castor et le flamant rose dans les déserts d'eau de Camargue, je me voyais chaque soir, vers le crépuscule, quand les maigres taureaux mugissent au soleil couchant, assaillis par des tourbillons enragés d'Arabis, lesquels sont, soit dit sans se vanter, des moustiques d'une autre taille et de plus cuisantes piqûres que vos innocents zinzin n'y soit. La conversation avait lieu à Nice, pays où, comme chacun sait, les moustiques s'appellent zinzin et les moustiquaires zinzinières, devant une assez modeste villa dont le perron de marbre, parti d'une terrasse ombragée d'orangers, descend, selon l'usage, jusqu'à l'inévitable petit port en train de balancer une barque toujours oisive, port qui s'arrondit fièrement au milieu de rochers tarabiscotés par la mer. Et si les discours languissaient, c'était un musical silence, avec parfois le bruit mat et sourd d'une orange mûre tombée, et le glouglou des rochers creux s'emplissant et puis se vidant au lent va-et-vient de la vague. Il se trouvait là. C'est à cette occasion qu'on parlait moustiques, deux Parisiens nouveaux venus qui, pour avoir commis l'imprudence de dormir la fenêtre ouverte, en contemplant le double infini de la mer aux mouvants reflets et du ciel bleu clouté, comme disent les Provençaux, de millions et de milliards d'étoiles, s'étaient réveillés fort maussades, leur front constellé de plus de piqûres que le ciel ne montre de clous d'or. Il s'y trouvait aussi deux Parisiennes, qui, indemnes ou de peu s'en faut, grâce sans doute au sage emploi des moustiquaires, semblaient fières plutôt que maries de quelques insignifiants coups d'aiguillon dont l'incarnat léger faisait ressortir mieux la blancheur nacrée de leur teint. Pourtant, continua Féréole, en se grattant rien que d'y songer, j'étais alors chasseur novice et n'avais encore étudié ni l'astuce profonde des arabis et des zinzins, ni le moyen de s'en défendre. Féréole, comme tous les conteurs de race, se complaît fort aux digressions. On les lui permet volontiers et quelquefois même on les pousse. Il y a donc un moyen, interrogea le plus cruellement tatoué des Parisiens. Un seul, répondit Féréole. Et ce moyen est aussi simple qu'infaillible. Seulement, voilà, il faut savoir. Vous êtes-vous, par exemple, jamais demandé pourquoi, au lieu d'arriver muet et sournois, ainsi qu'on coutume tant de nocturnes assassins, le moustique vampire minuscule s'annonce tout d'abord, comme dirait Virgile ou l'excellent poète Jean Moréas, dans un bruyant bombinement de trompettes mimalonniques. Déclaration de guerre, fanfare, tout cela est pure malice. Et le moustique sait ce qu'il fait. Le moustique, en effet, ne vous pique pas de son dard par sotte cruauté. Non, mesdames, mais parce qu'il est friand, très friand de votre sang rose. Observez bien sa stratégie. Zin, zin, vous voilà réveillé. Zin, zin, zin, vous maudissez Nice, son climat, ses femmes de chambre, et battez l'air de vos deux mains pour chasser l'importune bestiole dont l'aile invisible vous effleure et dont l'agaçant bourdonnement vous énerve et vous assourdit. Zin, zin, zin, zin. Le moustique vient de se poser. La patience enfin vous échappe. Vlan ! une gifle sur le front. Vlan, une gifle sur la joue. C'est ce que voulait le moustique. Il avait fui, mais il revient. Fut, fut, et vivement, un, deux, rapides coups de lancette. Sous la gifle, le sang a afflué. L'épiderme s'est fait plus tendre, et la gorgée, prise en passant, n'en est que plus délicieuse. Mais ayez assez de présence d'esprit et de force d'âme pour rester immobile et ne pas vous gifler. Qui sera penaud ? Le moustique ! Dans l'ennui que lui cause sa déconvenue, il bourdonnera bien encore un peu, mais sans piquer, avant d'aller se coller au ciel de lit, et vous en serez quitte pour un chatouillement léger et une musique qui, en certaines circonstances, n'est pas toujours désagréable. Ici, Féréole eut un moment d'émotion. C'est cette pauvre réparade, une des plus galantes niçoises du quartier de Raubo Capéo, qui un jour m'enseigna la méthode. Je l'entends encore me dire avec son rire et son accent le soir, avant de souffler la bougie. Que si pour nous tenir éveillés et nous empêcher de languir, tu laissais tout de même un ou deux zinzins dans la zinzinière. Oh, les zinzins, quel souvenir! Eh bien, monsieur Féréole, dit une dame, est-ce donc là l'histoire d'amour si poétique et si touchante que vous aviez promis de conter? Non, pas précisément, mais la langue va, l'imagination vous emporte. Mon autre histoire est, au contraire, tout à fait innocente. Réparade n'y entre pour rien. J'avais 13 ans à peine lorsque la chose m'arriva. Féréole s'était tue, un peu rouge. Une orange tomba. On entendit la mère chanter. Puis, au bout d'un instant, comme le silence s'éternisait, Féréole reprit la parole. Certes, Réparade n'y entre pour rien. À cette époque, Dieu merci, je ne connaissais pas Réparade. Ma reine d'Olinde résumait l'univers pour moi. Et l'on m'eut autant étonnée en me disant « Féréole, tu aimeras un jour des femmes belles à l'égard de ma reine d'Olinde. » Qu'en me montrant, à 30 ans et plus de distance, dans le candide chérubin que j'étais alors, l'homme à figure de pirate, noirci par tous les soleils, tanné par tous les vents, cuit au reflet de toutes les mers auxquelles votre indulgence accorde, mesdames, le dangereux honneur de bavarder devant vous. Chérubin, mon Dieu, oui, un dakéréotype miroitant où néanmoins maîtresse se retrouve en fait foi. Avec mes cheveux qui bouclaient, mes yeux naïvement ouverts sur l'inconnu, je ressemblais à chérubin, et j'avais ma reine d'Olinde pour comtesse. Jeune encore et veuve, avec ce je ne sais quoi d'appétissant et de savoureusement attendri qui fait les veuves désirables, ma reine d'Olinde était ce qu'on appelait alors une beauté romantique. C'est-à-dire qu'elle avait des traits passionnés avec une démarche nonchalante, qu'elle rêvait de châteaux perdus dans les bois, de pages et de châtelaines, et qu'elle pleurait au vert de Vigny, de Musset et de Lamartine, comme vous vibrez maintenant aux magiques harmonies de Wagner. Tout cela vous semble démodé, mais cela avait bien son charme. Elle savait que je la trouvais belle, mais je tirais peu à conséquence, et mon adoration ne la fâchait point. Les femmes ont de ces nuances, rien ne les flatte plus qu'un amour qu'elles devinent sans calcul, comme sans espoir. Et même, quand j'y réfléchis, il me semble que ma reine d'Olinde prenait parfois plaisir à malicieusement attiser, d'un souffle, ma flamme ingénue. Mais alors, par malheur, je ne réfléchissais guère. C'est ainsi qu'insensiblement, elle m'avait admis au privauté que, dans ses livres à tranches d'or ornés de gaufrures gothiques, les pages avaient auprès des châtelaines. Je l'accompagnais à la promenade. Je portais ses heures le dimanche, et quoique l'on n'habitât point un château perdu dans les bois, c'est moi encore qui, dès l'aube, cognais à la porte de sa chambre avec charge d'ouvrir les volets. Le cérémonial restait toujours le même. Toc, toc. C'est toi, mignon? Avez-vous bien dormi, ma reine? J'ai bien dormi, un peu rêvé. Maintenant, fais entrer le matin. Je laissais donc entrer le matin, par la fente des rideaux, dans l'invasion brusque de la lumière, je voyais un bras nu, passer le plus souvent furtif, quelquefois aussi s'attardant, pour prendre la chemise de jour, posée à côté, sur une chaise, et tourner vers le paysage, que la fenêtre encadrait, j'écoutais, le cœur tout ému, un léger bruit de linge froissé, derrière les rideaux de l'alcôve. Puis les rideaux s'ouvraient. Allons, mignon, viens m'embrasser. Et j'embrassai ma reine d'Olinde, qui, plus belle sous le linge frais, et pour moi pareille à l'aurore, dans les blanches vapeurs matinales, me tendait son front, souriante. Comment ceci eut-il fini sans le voyage que nous fîmes à Nice, ma reine d'Olinde et moi? Je l'ignore. Il s'agissait, je crois, d'un héritage. Ce dont je suis certain, c'est que nous descendîmes à l'hôtel et que nos deux chambres se touchaient. Le soir à dîner, quelqu'un nous dit « Il y a beaucoup de zinzins. Vous ferez peut-être bien de tenir fermée la zinzinière. » Qu'était-ce donc qu'une zinzinière? Le matin, je m'en allais réveiller ma reine d'Olinde comme à l'ordinaire. Toc, toc, c'est toi, mignon? Mais quand j'eus poussé les volets, me retournant presque malgré moi, à l'idée seule du bras nu, en place des opaques rideaux, ô miracle, j'aperçus, ébloui, un grand carré de fine gaze, plus clair que l'eau la plus claire, et au milieu, surprise à ce moment précis où la chemise de nuit n'étant plus là, celle de jour n'y est pas encore, une statue de marbre vivant en qui je reconnus ma reine d'Olinde. Voilà donc, pensais-je au-dedans de moi, comment sont faites à Nice les zinzinières. Tandis que la statue soupirait, de blanche soudain devenue rose, « Vite, mignon, referme les volets !» Je refermai les volets. Mes doigts tremblaient un peu. Pour la première fois, ma reine d'Olinde ne me donna pas son front à baiser. « Et ce fut tout ?»« Ce fut tout, » conclut Féréole. Le lendemain, nous repartions, et depuis ce fut une servante qui fit « toc, toc » à la porte et poussa les volets, bien que dans le pays de ma reine d'Olinde, on ne connut pas plus, hélas, les zinzins que la zinzinière. 13 septembre 1891, ainsi se termine la nouvelle de Paul Arène, la zinzinière.